الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنبدأ إن شاء الله في هذا اليوم في هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وهذه الدروس وهي تعليقات يسيرة على رسالة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. On commence aujourd'hui بإذن الله عز وجل ce nouveau livre, cette nouvelle risala, c'est des commentaires qui sont brefs sur la risala de Cheikh Saadi, الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلام. Il va citer des exemples, des points bénéfiques sur les bienfaits de cette religion, l'islam. Et l'auteur, c'est فضيلة العلامة الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. Et il est connu عند الجميع. Et on a déjà lu certaines de ses رسائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Avant de commencer la lecture de la risala, on fait une muqaddima hatta inshallah on rentre dans le livre avec la connaissance de certains points importants. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى il démontre أن هذا الدين الكامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كذلك dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il démontre أن هذا الدين c'est une ni'ma ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc أخي الكريم أشكر الله سبحانه wa ta'ala على هذه النعمة. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. واحذر fais attention لأن أعداء الله عز وجل من الكفر والمنافقين ils font tout pour salir hadd din et ils font tout pour t'enlever cette ni'ma. فأنت en tant que muslim أولاً tu dois connaître et reconnaître que hadd din il est kamel, ce din il est complet, tout ce qu'on a besoin في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى il nous l'a cité في القرآن الكريم et son prophète صلى الله عليه وسلم il nous a démontré, détaillé fi sunnatihi al-azim. Donc, tu dois être fier de ton dit. Tu dois reconnaître que c'est une ni'ma kam min al-nas. Inharafu kam min al-nas. Ils sont fi al-zulumat al-jahl. Kam min al-nas. Ils ne ressentent pas cette tranquillité que tu ressens avec ce dit. Kam min al-nas. Ils ont des problèmes avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leurs épouses, avec le mujtama' dans lequel ils vivent. Kam min an-nas, ils savent plus comment s'en sortir. Ils n'ont pas ce din. Ils n'ont pas cette ni'ma sur laquelle tu peux te reposer, qui te montre ce que tu as besoin, qui t'aide à patienter. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu suis son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une ni'ma azima. Fais attention à hada. Tu dois faire des efforts pour connaître ton din. Et tu connaîtras ton dîn en faisant des recherches et en étudiant les sources Al-Qur'an wa Sunnah. Tu ne connaîtras pas ton dîn avec les médias. Tu ne connaîtras pas ton dîn par l'intermédiaire des ennemis de ce dîn. Ils le combattent laylan wa nahara. Donc, on fait des efforts pour connaître notre dîn et on fait des efforts pour l'appliquer. Et notre dîn, comme Sayyati Ma'ana dans cette risala qu'on va lire, il est fondé sur des règles. Notre dîn, il est venu pour nous guider. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ses messagers et il a fait descendre des livres pour ton bien, ayyuha al-abd. Qala al-imam Ibn Kathir, rahimahullah, هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة. La plus grande ni'ma sur cette communauté, le plus grand bienfait, c'est ce dîn, l'islam. قال على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. Et ça c'est important. Ce dîn, t'as pas besoin d'autre chose. Ne recherche pas la guider dans autre. La guider, elle est fidine à l'islam. Pourquoi? Celui qui a révélé ce din, c'est le créateur, Jalla wa ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui se détourne, il ne veut pas suivre ce din, il aura une vie de ta'b. Et il sera ressuscité يوم القيامة aveugle. Et il souffrira fi dunya et fi l'akhira. Donc t'as pas besoin d'autre chose. Hadd din est complet. Et celui qui t'a ordonné de le suivre, c'est Rabb al-Ibad. C'est le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-Kathir, wa la yahtajuna ila din ghayrihi, wa la ila nabi ghayra nabiyihim. Qala azza wa jal, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minha. Celui qui recherche un autre dîn, il veut suivre un autre dîn que dîn l'islam et suivre un autre nabi que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, suivre autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va à sa perte, iyadam billah. Qala wa li hadha ja'ala Allah khatim al-anbiya wa ba'athahu ila an-nas wal-jinn. فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ. Donc notre référence, c'est les sources, Al-Qur'an ou Sunnah. Les choses qui sont autorisées, tu les trouveras dans le Qur'an. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités dans le Sunnah. Et il a détaillé, et il a cité des choses qui ne sont pas dans le Qur'an. Donc tu dois revenir à ces deux sources. Le halal, le haram. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Tout ça, c'est cité dans des sources. وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لَا كَذِبَ فِيهِ. كذلك, notre aqida est fondée sur ces textes, le Coran ou le Sunnah. Tout ce qui est cité dans ces textes, c'est haq. Même si certaines personnes, ils n'acceptent pas ou ils contredisent. قَالَ كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. Donc tout ce qui vient من الله سبحانه وتعالى c'est du صدق et c'est من العدل. C'est la vérité et c'est la justice. On ne recherche pas la vérité dans autre que هذا الدين. Ne crois pas que tu trouveras la justice dans autre que دين الإسلام. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم تمت النعمة عليهم ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى il a complété, il a parachevé son dîn avec son prophète صلى الله عليه وسلم en lui révélant Al-Qur'an Al-Karim. Tout ça c'est une ni'ma que tu dois prendre en considération, ayyuha al-mu'min. Qala al-imam ibn Kathir, ay, fa'ardawh antum li anfusikum, fa'innahu d-din alladhi radiyahu Allahu wa ahabbahu wa ba'atha bihi afdal rusulihi al-kiram wa anzala bihi ashraf kutubih. Donc anta, Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé pour nous ce din, anta kadhalik, accepte-le pour toi-même. Li anna c'est un din kamel, Allah subhanahu wa ta'ala, pour révéler ce din, il a envoyé le meilleur de ses messagers, afdaluhum, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a descendu le meilleur de ses livres, le livre Al-Qur'an Al-Karim. Il a abrogé tous les autres livres. Donc pourquoi te priver, Akhil Karim? N'aie pas des doutes. L'époque où on vit, Al-Kuffar, ils ont beaucoup de moyens pour salir la religion. Ça n'est pas de doute. N'aie pas de doute. Ce khayr, ce haqq, ils n'en ont pas profité. Pour plusieurs raisons. L'orgueil, leur ignorance, leur mauvaise compréhension, leur jalousie, etc. Ça ne te prive pas. Ils veulent te priver. Hum. Kama akhbar Allahu Azza wa Jal. وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les suives. حَتَّى, ils sont satisfaits de toi. أَنْتَ لَا, t'as ce din que Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé pour toi. Ce din que Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé. Ah, ça te suffit. Amma al-kafir, il te sera d'aucune utilité. Et les efforts qu'ils font l'un pour salir l'islam, al-haqiqa, ça ne change pas grand-chose. لأن الحق, c'est الحق. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala y facilite, inshallah, il donnera aucun poids à leurs accusations. Qala al-'allam al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala fi i'lam al-anam sharh kitab fada'il ou fadl al-islam, c'est un kitab nafi' fadl al-islam l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Et Sheikh al-Fawzan il l'a expliqué une risala mukhtasara, et il explique les bienfaits de l'islam. قال وفي هذا رد اي le verset اليوم اكملت لكم دينكم وفي هذا رد على الذين ينتقصون الاسلام وانه لا يصلح لكل زمان مثل الملاحده الذين يقولون ان الاسلام للاجيال مضت والزمان قد تغير فالاسلام لا يصلح لاخر الزمان. Attention à ces shubuhat. Fais attention, akhil karim. بعض الناس, ils veulent pas notre khayr. Al-Kuffar, ils veulent pas ton khayr. C'est pour ça qu'ils disent que l'islam, Ba'dhum, ils ne le disent pas directement, lakin, c'est ce qu'ils veulent transmettre. En l'islam, comme il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était adapté à l'époque. Beaucoup de choses pour eux, c'est plus adapté pour l'époque où on vit. Nous. C'est pour ça qu'ils demandent un changement. L'islam de France, il faut revoir certaines choses, il faut s'adapter. Il faut vivre avec son temps. Tout ça, c'est minal inhiraf wa dalal. Il faut vivre avec le haqq. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Suis son prophète et tu auras al-jannah, jannat al-khuld. Amma, il faut vivre avec ton temps. Tout ce qui cite ha'oula al-kafara, c'est pas pour ton bien. Qala al-shaykh, hafidhahullah, fallahu ta'ala yarut alayhim bihadhi al-aya. Ce din, il est calme. Pourquoi ils prétendent que c'est plus adapté alors que Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala, son din, il est complet et il l'a révélé bihaq jusqu'à yawm al-qiyam. Et anta ta'ab, on est des créatures, on doit se soumettre au créateur. Enfin, pourquoi prétendre hada bi ay haqq bi ay dalil? Amma que ça vient d'un kafir, c'est pas étonnant, c'est un kafir. Lakin ka muslim, un muslim qui est saddaq, qui rend véridique ses paroles, et ça lui met des doutes, ça devient la proie de ha'oula. Et c'est ce qu'ils veulent. Fahdhar, akhi al-karim. Fais des efforts dans ton din. Fréquente al-muslimin. Fais attention à ne pas te mélanger avec le kafara. Ils ont des shubuhat khatira. Ou al-quloub da'ifa. On est faible. Et ils ont des ambiguïtés. Na'oudu billah. Ba'd al-nas, ba'd al-muslimin, qad yaghtarroun. Donc on fait des efforts fil-ilm. On fait des efforts à fréquenter al-akhya, à s'écarter de l'ashra, et on fait dua que Allah subhanahu wa ta'ala il nous préserve, et il préserve pour nous cette ni'ma, din l'islam. Qala fa Allah ta'ala yarud alayhim bi hadhihi al-aya fa idha qasarat al-afham ba'd an-nas 'an fahm al-islam fal'ayb laysa fi al-islam. Ça c'est un tanbih tayyib. Si certaines personnes y comprennent mal l'islam, ça veut pas dire que l'islam il y a un manque, il est pas complet. Ou كذلك, ces personnes, elles font des choses au nom de l'islam, des choses mauvaises. Ça ne veut pas dire que l'islam, il est mauvais. Et celui qui est juste et qui est objectif, il fait une différence entre le din, comme il a été révélé dans les sources, et ce que les gens, ils font de ce din. On n'y parle pas, ils font des choses au nom de l'islam et c'est contraire à l'islam. Prends l'exemple de Juhal, Daesh, Al-Mujrimoun. Ils font des choses au nom de l'islam. Lakin, ça ne veut pas dire que l'islam, c'est cette chose. Et tu trouves que le kuffar, vous avez remarqué qu'ils appuient beaucoup sur ces choses, alors que c'est une minorité. Et ils ne prennent pas le amal des salihin, qui rejettent, que ce soit les attentats, les tueries, etc. Enfin, si vous êtes véridique, pourquoi vous prenez les faits de cette minorité qui contredit l'islam et vous ne prenez pas l'avis ou le constat des autres musulmans? Et nous, on va encore plus loin. Pourquoi vous ne revenez pas au texte? Et tu verras que les textes, ils n'appellent pas aux attentats et aux tueries à Beden. Lakin, vu que les kuffars, ils se servent de hada, ils salissent l'image. L'islam radical, toute la journée, l'islam radical. Hatta ba'd an-nas, ils font l'amalgame. Ba'd an-nas, ils mélangent. Ba'd an-nas, ça flue, il est où le haq. Et ils ont peur de se dire. C'est pour ça que nous, on fait des efforts à propager din al-haq. Et كذلك, on lit ce genre de rasail pour démontrer un din al-islam, il appelle à kulli khayr. Il appelle au bien. Et il met en garde contre kulli shar, contre le mal. Si l'insan veut le haq, le haq il est wadih. Et s'il ne veut pas le haq, il fait du mal qu'à lui-même. قال شيخ الفوزان فالعيب ليس في الإسلام وإنما في فهم بعض الناس وإلا فالدين كامل وصالح وشامل المصالح وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. Donc le problème, c'est pas في الإسلام. L'islam c'est دين الله الحق. لكن le problème, certaines personnes ils ont une mauvaise compréhension, certaines personnes ils font des choses. لكن tu peux pas mettre ça au nom de l'islam. On fait une différence, nous et tous ceux qui sont objectifs, qui veulent le haq, ils savent la différence entre ceux qui font une chose au nom de cette chose et la chose elle-même. Fait l'islam, on le prend de ses sources. Al-Qur'an ou Sunnah. Et ces sources, on s'accroche, même si certains musulmans, ils les contredisent. Là, on doit tous revenir aux sources. Comme a dit Azza wa Jalla, Tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez. On doit suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. فالإسلام c'est l'istislam لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est ça dit l'islam الحق. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala بالتوحيد. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. On n'adore pas des morts. On n'adore pas des awliya comme il les appelle. On n'adore pas des anges. On n'adore pas un prophète. On n'adore pas des arbres, des pierres. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est ça dit Allah al-Haq. الْإِنْقِيَدْ لَهُ بِالطَّعَ كَذَلِكَ. On se soumet et on ne croit pas aux khurafat des kuffars. Vous êtes libre, vous êtes égaux, tout ça c'est batil. الْإِنْقِيَدْ لَهُ بِالطَّعَ. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui nous a ordonné ou ce qui nous a interdit, c'est pour notre bien. Amma la liberté, tu fais ce que tu veux, ça c'est pas pour ton bien, akhi al-karim. لماذا؟ لأن المؤمن المسلم إلى عقيدة أنه sera jugé. Et c'est ça l'iman bil ghaib. C'est ça un mu'min. Il a cette aqida أنه il croit en Allah, il croit au messager, il croit aux anges, il croit au qadar, et il croit au livre, et il croit au jour dernier. Il croit يوم القيامة, tout ce qui viendra après la mort. Et parmi ces choses, أنه il sera jugé. Donc, c'est d'aucune utilité. Je suis libre. T'es libre, et si tu meurs, et tu seras jugé, فماذا ستقول? T'es un musulman, fala taqtar bi afkar al kuffar. Anhum, ils veulent t'éloigner de ton dîn avec ces afkar. Vous êtes tous égaux, kadib, c'est pas vrai. Vous êtes tous libres, kadib, et vous êtes leur afkar qui cite. Fahdhar, ihdhar, akhi al karim. Al inqiyad lahu bi ta'a. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, limadha? Li'annahu, il te jugera et il t'a créé que pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et dans l'autre verset, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager, ils ont ordonné une chose, t'as pas le choix. هكذا قال الله عز وجل. En tant que musulman, tu crois au Coran, tu dois comprendre, faire des efforts et te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. détester le shirk, le rejeter, s'en éloigner. Wa ahli shirk, كذلك المشركون الكفار. Tu dois les détester fillah, t'en écarter et faire attention. Fala taghtar, vous êtes tous égaux, la fraternité, vous êtes tous des frères. Aina awamir Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwaddun man hadda Allah wa rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala démontre que tu ne trouveras pas un mu'min qu'un iman sahih, aimer les ennemis d'Allah, al-mushrikoun wal munafiqoun, et tu trouves al-kuffar eux-mêmes, ils disent la fraternité, tu ne dois pas détester les autres. Tu dois aimer le mu'min et détester le kafir. C'est ça, l'islam, l'haq. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمُ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et on l'a cité ce verset pour te démontrer, on a cette ni'ma, accroche-toi. Ne cherche pas le khayr dans autre que l'islam. C'est une porte d'égarement. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه dans son tafsir, أي من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود. Celui qui prend une autre religion autre que celle de l'islam et veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec autre que l'islam, façon amal il est mardoud, غير مقبول. Ses œuvres elles sont pas acceptées. قال لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأتي به العبد لم يأتي بسببه النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وكل دين سواه فباطل. Donc الاستسلام والانقياد. On fait pas ce qu'on veut. مصيبة الآن أن بعض الناس يكون الإسلام كم يفعل. Et ils citent de l'islam, ils propagent de l'islam, que ce qui ne va pas en l'encontre des koufars. Vous avez remarqué, Hada ? En l'islam, il faut respecter le voisin. En l'islam, il faut être doux. En l'islam, il faut respecter la femme. Tout ça, c'est haq. Mais ils ne citent pas les autres choses. Al-istislam lillah, tu dois te soumettre aux ordres d'Allah. Walaw kariha al-kafiru. C'est ça l'islam, l'haq. Kadhalik, ba'd al-nas n'an bi wudouh, annahum ils veulent changer. L'islam de France. L'islam c'est dinullah. Inna dina inda Allah al-islam. Et ce din il est adapté à tout temps, toute époque, à tout lieu. Enfin, pourquoi changer par rapport à un pays? Ça veut dire que les autres, là où ya'qilun, s'y réfléchiraient, ça veut dire que l'islam de France, ça veut dire que l'islam au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, c'est un islam qui est mauvais, qui est radical, qui peut faire du mal. C'est pour ça qu'eux ils veulent changer. Est-ce que t'acceptes ça, ayyuhal muslim? L'islam, c'est dinu l'haq. Si ils ne te laissent pas appliquer et ils ne veulent pas, ils te le disent clairement et tu changes de pays. فَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهِجْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit de changer notre dîn et s'adapter à l'époque ou au lieu. Il nous a dit d'appliquer. Si on ne peut pas, on se déplace. أَرْضُ اللَّهُ وَاسِعَةً لَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ils combattent أَهْلُ الْحَقِّ et ils combattent dîn الْحَقِّ. Pourquoi? Pour satisfaire l'a'da. Qala, ou intahayna, min kalam Cheikh Sa'di. Fahmadillah, akhi al-muslim. Ihmadillah ala hadhihi ni'ma, c'est une ni'ma azima. Beaucoup de gens, ils ont été privés de cette ni'ma à cause de leur orgueil, à cause de leur genou. Les annahum, ils l'ont rejeté, ils ne veulent pas le haq. Et anta, tu l'as accepté, fais des efforts. Fais des efforts, lakin, sache que si tu t'accroches à ce din, tu seras éprouvé. Et sache que si tu t'accroches à ce din, les ennemis de ce din de l'islam, ils essaieront de te salir. Ils essaieront de t'écarter. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils ne cesseront de vous combattre, قال الله عز وجل, jusqu'à qu'ils vous écartent de cette ni'ma. Tant qu'ils peuvent. Fais attention. وَشْكُرِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِكْ وَبِلِسَانِكْ وَبِجَوَارِحِكْ. Fais des efforts et sois reconnaissant avec ta langue. Tu dis du khayr, tu lis le Coran, tu prononces bien sûr le shahada, tu a'mal le khayr avec l'islam, biqalbik, kadalik, t'as une bonne croyance, t'as une bonne intention, husn al-dhann billah, kadalik bi ikhwanik al-mu'minin, t'aimes Allah, t'aimes ses prophètes, t'as une bonne intention, ton but c'est le khayr, tu fais des efforts dans ta aqidah, dans ta croyance, tu détestes le shirk, tu détestes le kufr, Fais des efforts. Sois reconnaissant avec tes membres. La femme, elle doit porter le hijab al-shar'i. Elle doit faire le salat. L'homme, كذلك, il fait le salat. يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. Celui qui a de l'argent, il zakat, il fait le hajj. On fait des efforts pour le siyam. On fait des efforts dans toutes les obligations. Et كذلك, النوافل, les choses recommandées. Et nous, on est des musulmans, ولله الحمد, des ibad, et on sait que cette vie, c'est dunya. C'est un passage. Et on sait que al-haq et al-fawz, c'est l'akhira. Et on sait que ça, c'est qu'un passage. Enfin, ce passage, t'es éprouvé, t'es comme un voyageur. Enfin, ne fais pas de cette dunya le but ultime. Là, al-kuffar, tout ce qu'ils font, c'est pour cette dunya. Nous, là, c'est un passage. Enfin, les faiblesses qu'on a, la pauvreté, les manques dans certaines choses, c'est pas grave. On sait que l'essentiel, c'est de mourir à al-haq. Et celui qui meurt à al-had al-haq, à al-had al-islam, à al-had al-tawhid, fa inshaAllah, lahu jannat, arduha al-samawat wal-ard. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين إذن رواية ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم nous donne cet exemple entre nous المسلمون la communauté du prophète محمد صلى الله عليه وسلم et ceux qui étaient avant nous اليهود والنصارى. Il donne une image, un exemple, alayhi salatu wasalam, avec un homme qui paye un autre homme pour un travail. Faqad, man y'amal li min ghadwatin ila nasf al-nahar ala qirat, fa'amilat al-yahud. Cet homme, il dit à l'autre, qui sait, qui travaille pour moi, et il le paye, du matin jusqu'à nasf al-nahar, jusqu'au dhuhr. Taqriban. Al-Yahoud, ils ont travaillé. Du matin, du fajr, jusqu'au dhuhr. La moitié de la journée. Thumma qal, man y'amal min nisf al-nahar ila salat al-asr ala qira. Du dhuhr, la moitié de la journée, jusqu'au asr. Al-Nasara, ils ont travaillé. Thumma qal, man y'amal min salat al-asr ila antaghib al-shams ala qiratayn. Eux, Al-Yahoud, du matin, jusqu'à la moitié de la journée, ils ont travaillé pour un qirat. Un qirat, c'est une récompense, c'est une quantité. An-Nasara, ils ont travaillé un peu moins du dhuhr, la moitié de la journée plutôt, jusqu'au asr, pour la même quantité, un qirat. Al-Muslimun, thumma qal, man y'amal min salat al-asr, ila antaghib al-shams ala qiratayn. La troisième catégorie, ils ont travaillé du asr jusqu'au maghrib, et c'est une petite durée pour le double. La récompense, elle est du double. Fa antum hum, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes la troisième catégorie. Et peu de travail, laquelle la récompense, elle est doublée. Fa ghadibat al-Yahoud wal-Nasara. Ça te montre, annahum, ils seront jamais satisfaits de nous, tant qu'on est sur le haq. Et ça te montre qu'ils sont jaloux. Et ils ont du haq et du bourd. Fa ghadibat al-Yahoud wal-Nasara. Et ils ont été en colère. قالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا. Pourquoi on a travaillé plus et notre récompense elle est moins que هؤلاء. قال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم شيئا. Est-ce que je vous ai enlevé de votre حق quelque chose. فقالوا لا. Ils ont dit non. فقال عز وجل ذلك فضلي اوتيه من اشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Allah سبحانه وتعالى leur a dit هذا c'est فضلي. Et ils ont fait un travail, ils les récompensent plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Malgré que les autres, il n'a pas été injuste envers eux. Tu travailles pour telle somme, si il veut te donner plus, il a le droit de te donner plus. C'est pas de l'injustice. L'essentiel, c'est de ne pas être injuste envers les autres. Ça te montre, fadlo, hadhihi l'umma, ala l'akhari. Donc, ihmadillahi subhanahu wa ta'ala, que t'es un muslim. Accroche-toi. Sois fier de ton dîn. C'est une fierté normalement. بعض الناس الآن ربما il a honte. Et c'est ce qu'il voulait le kafar. ربما il n'ose plus montrer que c'est un musulman. Que ça soit dans l'habillement ou autre. Tout ça c'est ce qu'il veut. Pourquoi? Quel crime t'as fait? T'as rien fait. Les choses qui sont faites au nom de l'islam, si c'est batel, on démontre que c'est batel. Et c'est des menteurs et ça les arrange eux. et veulent faire du mal à nous en tant que musulmans. On ne doit pas faiblir et baisser les bras. Notre din, c'est din al-haq, c'est din al-adl, c'est din al-rahma, c'est din kullu khayr. Famil mahasin, hada din. Parmi les bienfaits qu'on peut citer, et bien sûr dans notre risala, Cheikh Saadi va citer plusieurs exemples, lakin nahnu, dans cette introduction, on peut résumer en quelques points, avant de détailler dans le livre qu'on va faire ensemble, inshallah. Famil محاسن هذا الدين العظيم أنه أخرج الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. Ça c'est le premier bienfait et la plus grande ni'ma. أن avec ce din et c'est فضل الله عز وجل على عباده لكن أكثر الناس لا يشكرون, c'est que on est sorti de l'adoration des créatures, walillahi alhamd, on adore Rabb al-Ibad, le créateur. Et celui qui a étudié l'histoire, ya'lam had. Ba'd an-nas, ils adoraient des pierres. Ba'd an-nas, ils adoraient des arbres. Ila yawmi hada, ils placent leur confiance sur un mort. Ba'dhum, il a peur des djinns, il a peur des moindres choses. Pourquoi? Li'anna qalbahu muta'alliqun bighayrillah. Son cœur, sa confiance, elle n'est pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la moindre chose, elle lui fait du mal. Fahmadillah azza wa jal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. In wuffiqta, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé et tu l'adores seul, ihmadillah, c'est la plus grande ni'ma. Et c'est min mahasin hadaddin. Kadhalik, min mahasin hadaddin, parmi les bienfaits de notre din, anna al-islam, c'est dinu al-adl. C'est la religion de la justice. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné d'être juste. C'est ça دين الحق. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. Ce عدل, أي le fait d'être juste, الله سبحانه وتعالى il nous l'a ordonné. On doit être juste في حق الله et كذلك في حق العباد. Que ça soit par rapport au din, par rapport à ce que Allah nous a ordonné, ou par rapport au عباد. On doit être juste. قال فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية. Tu dois être juste en respectant ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et tu comprends l'an et tu vas t'apercevoir أن كثير من الناس quand ils parlent de l'adl, ils citent pas ce point. Alors que c'est le plus important. كثير من الناس, ils citent l'adl, la justice, il faut être juste envers les autres, tu dois respecter les autres et c'est tout. Nous, c'est plus vaste, notre din il est akmal, il est a'zam. Al-adlu fi huquqillah, on est juste, on n'exagère pas et on délaisse pas le juste milieu, on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on respecte. Que ce soit les ibadat maliya, tout ce qui est lié à l'argent, on fait le hajj si on a les moyens, on sort la zakat si on a les moyens, ou le badaniya, as-salat, as-siyam, etc. Al-adl, sans exagérer, sans délaisser, sans démentir, wal-iyadu billah, là, on fait tout cela, on se rapproche mahabbatan lillah subhanahu wa ta'ala wa raghbatan fi ma 'indahu 'azza wa jalla. On espère la récompense et on aime cette ibada et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a élevé et favorisé ala kathir min khalqi. Et kathir min al-nas, ils sont pas justes fi hada, imma ils adorent pas Allah, imma ils exagèrent, ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu la. Et بعض الناس ils adorent Allah lakin avec de l'exagération, ils exagèrent. نحن notre ibada, et c'est ça l'adl, c'est la sincérité et tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'adl. قال وفي حق عباده في حقه وحق عباده ويعامل الخلق بالعدل التام كذلك تجست envers le khalq. تأمل كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه. Il a pas dit العدل envers les musulmans. Il a dit envers le خلق. Là, tu dois juste être juste envers ton frère. Tu dois être juste avec le kafir. Tu dois être juste avec les animaux, avec chaque makhlouq. La justice. Tu n'as pas le droit d'être injuste en tant que musulman. قال فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمام الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي إلى آخر. Tu dois être juste et respecter ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فتu donnes le حق à chacun. Tes voisins, ton gouverneur, tes parents, ton frère, ton professeur, tes élèves, ton ami, ton ennemi, chacun tu lui donnes son haq et t'es injuste envers personne. لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. الله سبحانه وتعالى il a interdit la justice. L'injustice, أقصد. قال والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بالسلوك. La question qu'on se pose, c'est quoi العدل? Il y en a barre de nez pour eux, la justice, c'est, tu dois pas dire Foulan, c'est un kafir. La justice, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu lui imposes rien. C'est ça, être juste. La justice, Al-adlu huwa ma faradahu Allahu alayhim fi kitabih wa ala lisan rasouli. Être juste, c'est suivre Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Suivre autre que le Qur'an et la Sunnah, c'est pas la justice, c'est le hawa. C'est suivre ses passions. Hakada, en tant que musulman qui suit le Coran ou la Sunna, on doit comprendre. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل. Allah nous a ordonné la justice. En même temps, Allah nous a ordonné des choses et interdit des choses. Est-ce que ça peut se contredire? Abadan. Ça te montre que l'adl qu'il a ordonné, c'est exactement les choses qu'il nous a ordonnées et interdites. قال شيخ سعدي بعد ذلك ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعوضات وسائر المعوضات كذلك tu dois être juste في المعاملات que ça soit dans le commerce que ça soit dans tout ce qui touche tes liens avec al-bashar commerce mariage ou autre tu dois être juste tu dois respecter les conditions tu dois pas être injuste envers l'autre tu dois pas lui prendre ses biens. Tout ça, c'est pas min al-adl. قال عز وجل ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'être injuste envers les gens. ولا تبخس الناس أشياءهم. Il a dit الناس. T'as pas le droit d'être injuste et prendre les biens de واحد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Et si tu juges envers des personnes, deux, trois ou plusieurs personnes, فَتَحْكُمْ tu juges بِالْعَدْلِ. Tu n'as pas le droit de prendre position parce que c'est ton ami. Tu n'as pas le droit de prendre position parce que tu le connais. Là, الحق, c'est الحق. C'est ce qu'on appelle العدل, être juste. كَذَلِكْ مِنْ مَحَاسِنْ هَذَا الدِّينَ parmi les bienfaits de ce dîn, أَنَّهُ سَدِينَ الرَّحْمَ وَالْأَمْنِ. قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ce Nabi que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une rahma pour l'alami, une rahma pour tout le monde, ceux qui le suivent, ceux qui ont cru en son message et ils l'aiment et ils aiment ceux qui ont suivi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa Allah subhanahu wa ta'ala yirhamuhum. C'est une rahma. T'es gagnant en suivant ce dîn était perdant en le combattant. وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est une rahma. هذا الدين c'est pour ton bien, اخي الكريم. وحرم الله سبحانه وتعالى الفساد والظلم. Tout ce qui fait du mal, tout ce qui est contraire à la rahma, Allah سبحانه وتعالى حرمه. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. تقدمت الآية. وقال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله يدتست الفساد. نحن en tant que مسلمين on déteste الفساد, les injustices. وحرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس بغير حق. من الفساد كذلك c'est de tuer injustement. قال عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Ça fait partie de notre din. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى quand il l'a envoyé, c'est devenu une rahma pour Ahlu Mecca, pour Ahlu Medina, pour Al-Jazira et pour Al-Alamin, tous ceux qui ont accepté son message. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة. تأمل هذا الحديث pour te montrer أن هذا الدين il est complet. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. يوم القيامة une femme elle sera châtiée parce que elle a enfermé un chat. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. L'injustice envers les animaux l'islam حرمه. بل سحديد المطر أن السغشتي يوم القيامة. فالمسلم كسوي حقا الكتاب والسنة حتى لزانيمو إلا غضون لغ حق إلا با أنجست سدين رحمة ست فاما لابعد رحمة envers ce chat. فدخلت فيها النار elle rentrera في النار à cause de ce chat qu'elle a enfermé بغير حق. لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. elle l'a enfermé et elle lui a pas donné à manger ni à boire. Elle lui a fait du mal, alors que si elle lui aurait ouvert la porte, ce chat il serait sorti et il aurait mangé min khashash al-ard. Et les choses qui traînent, que ce soit insecte ou autre, le chat il aurait mangé. Lakin cette femme elle a été injuste. Fatu'adhab yawm al-qiyamah fi an-nar. Elle sera châtiée. L'islam, ce chat il lui a donné son haq. Et en tant que musulman, tu n'as pas le droit d'être injuste. Al-hadith il est fi as-sahihayn. وحرم الإسلام كذلك الاعتداء على من أمنه المسلمون من أهل الذمة والعهود. كذلك الإسلام il nous a interdit de faire du mal à cette personne. C'est pas un musulman, لكن il a un ahd من أهل الذمة. Il vit dans un pays musulman et il est venu avec des accords avec le gouverneur, etc. On n'a pas le droit de lui faire du mal. أبدا. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. Il sentira pas l'odeur de l'jannah, alors que l'odeur de l'jannah tu la sens à une distance de 40 ans. هذا celui qui a tué ce mu'ahid بغير حق. Il l'a tué. هذا il rentre في هذا الوعيد النبوي. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. الحديث اللي في صحيح البخاري. فأهل العلم والصلاح والإيمان براء من فعل الطائشين الجهال الخوارج. Ça te montre que ces textes أهل العلم أهل الإيمان المؤمنون الصالحين ils sont contre tous ce qui se passe الآن فعل الخوارج que ce soit داعش القاعدة هؤلاء الجهال ou qui que ce soit ceux qui font هذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré لأن المسلم كالعلم il n'est pas étonné de tout ce qui se passe, il le sait. Et la solution elle est في الإسلام. La solution c'est pas de combattre l'islam et de faire des amalgames comme ils font, c'est pas ça la solution. لأن النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé à la fin des temps, l'époque qu'on vit الآن, des personnes, des jeunes سفهاء الأحلام. C'est des soufaha. Et ils n'ont pas une raison saine, claire. Ils sont limités. Et kadalik, ils sont jeunes. Ils n'ont pas étudié l'ilm. Ils n'ont pas connu les assises. Ils n'ont pas d'expérience. Tuhal. Ils se précipitent. Fa'ishun. قال يقول من خير قول البرية. Pourtant, ils prétendent et ils disent, ils utilisent des textes. Et des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خير البرية. خير قول. نعم يقول من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. leur إيمان ne dépassera pas leur حناجر leur gorge. أي الإيمان il n'est pas rentré في القلب. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية متفق عليه. ça nous montre أن النبي صلى الله عليه وسلم est بريء من هؤلاء. فpourquoi كثير من الكفار الآن ils font pas de différence. لماذا لأن ils sont pas justes. Pourquoi ils ne sont pas justes? Parce que ce n'est pas des musulmans. Celui qui veut l'adl, l'adl al-haqiqi, il est fait l'islam. Amma, tout ce que tu vois, tout ce tapage médiatique, wallahi, c'est que pour ad-dunya. Amma, beaucoup de choses, ils savent très bien qu'ils sont injustes et que c'est pas le haq. Lakin, le propage, limada, li annahu, c'est, ça leur profite par rapport à ad-dunya. Amma, nahnu, là, malgré l'injustice qu'ils font, on n'a pas le droit de répondre à l'injustice par l'injustice. On répond bi haq. Et on démontre le haq et on patiente. Wal-aqibatu lil-muttaqi. Wa harrama kadhalika al-islam. Et ça, c'est, ça montre les bienfaits de notre din. Al-khuruj, ala wali al-amr. Hifadan ala al-amn wal-istiqrar. Alors que le kuffar, ils appellent exactement à l'inverse dans les pays des musulmans. Et le printemps arabe, c'est pas loin. On se rappelle tous de ce qui s'est passé. Amma al-islam nous a interdit de se rebeller contre le gouverneur musulman. Même s'il est injuste. Même s'il fait du mal. Pourquoi? Pour approuver le mal qu'il fait. Là, c'est du mal, c'est du mal. Lakin, pour préserver l'amn ou l'istiqrar. Et la paix, la sécurité, la stabilité. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر من الله. Si t'es juste, si tu veux le haq, tu dois obéir à cet ordre. Tant que c'est un muslim, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. Même si tu fais du mal, même si c'est difficile, il est injuste, قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة. Obéis, ne te rebelle pas. Ça ne veut pas dire que tu lui obéis dans le shirk, dans le ma'asi. Là, la ta'a li makhlouq fi ma'asiyat al-khaliq. Lakin, l'obéissance, tu lui obéis dans l'obéissance et surtout tu ne te rebelles pas. وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر الإسلام دين الإسلام دين الحق دين العدل. Il nous appelle à patienter, pas à se rebeller, contrairement aux kuffars. Ils ont poussé les peuples arabes et les ont gonflés et les ont armés pour qu'ils se rebellent. Et l'un a le résultat, ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Et l'un des milliers de morts, et jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, ça s'est pas arrêté. Pourquoi? لأن المسلمين في هذا الحال ils n'ont pas respecté leur din et ils n'ont pas obéi. فالله سبحانه وتعالى les a éprouvés par شرار الخلق jusqu'à aujourd'hui. Ça te montre les bienfaits de din l'islam et ça te montre مكر الكافرين. أما dans leur pays là ils font tout pour pas qu'il y ait les révoltes et chez nous cette révolte الحقيقه c'est effusion de sang, c'est injustice, c'est vol, viol, etc. Tout ce que ça implique, la rébellion, c'est devenu liberté, démocratie, et pour nous libérer. Comme si on était des animaux sauvages, ou l'ayadu billah. Alors que nous, on n'a pas besoin d'être libérés. On a notre din. Din haq. On a tout ce qu'il nous faut. Lakin l'ignorance, et on a délaissé, ou certains de nos frères musulmans, ils ont délaissé l'essentiel, revenir au Coran et à la sunna. Qala alayhi sallallahu alayhi sallam, fa innahu man kharaja min as-sultan shibran, mata mitatan jahiliyya. Celui qui sort de l'obéissance du gouverneur, Shibr. Shibr, c'est une petite distance. S'il meurt, il meurt à la jahiliya, wal'iyadu billah. C'est pas comme ils appellent le khawarij, ils font du mal, ils font des dégâts, ils se rebellent contre le gouverneur, ils font des injustices, et ils appellent al-shahid, le martyr, fula. Il est mort à la shar. Surtout s'il était à la ilm. Fahada, c'est ça notre din. Kadhalik, parmi les mahasin de notre din, al-ihsan ila al-khalq. On est bienfaisant envers les créatures. Que ce soit des êtres humains ou des animaux. On montre le haq. On n'est pas injuste. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Même envers le kafir, tu as du ihsan. Tu lui montres le haq. Tu lui montres le haq. Tu patientes s'il veut savoir le haq. Peut-être que tu seras le sabab de sa guidée. الإحسان إلى الزوجة. T'as du ihsan, t'es bienfaisant envers ta femme. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث الذي سنن الترمذي وغيره. Alors qu'ils essayent de faire croire à l'islam, ils sont injustes envers la femme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que cette femme musulmane, elle devienne un objet. Comme c'est le cas chez eux. Alors que nous là, cette femme, elle est voilée, c'est pour la préserver. Elle est mariée, c'est pour la préserver. Elle est respectée, mu'azzaza, mukarrama. Al-ihsan ila al-jar wa al-dhayf. On est bienfaisant, on doit être bienfaisant envers le voisin L'invité, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث إليه متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإحسان إلى المساكين كذلك on est bienfaisant, on a de la pitié envers les pauvres. قال تعالى وآتي ذا القربى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم, que ce soit un proche, que ce soit un miskin, un pauvre ou un voyageur, on lui donne son haq. Kadalik, tout ce qui est lié avec la zakat, sadaqat al-fitr, à la fin de Ramadan, tout ça c'est pour le miskin. Kadalik, min mahasin hada ad-din, al-afu. Parmi les bienfaits de notre din, c'est qu'on pardonne. Qala ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu. Wa qala azza wa jal, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Tout ça c'est parmi les comportements que l'islam il nous ordonne, il nous encourage à faire des efforts. Wa min mahasin hada ad-din kadalik, parmi les bienfaits de l'islam, al-ijtima' 'ala al-haqq wa tark al-furqa wa tark at-tahazzub, les groupes qui divisent, ça fait du mal. Qala 'azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lakin ce rassemblement, il doit être 'ala al-haqq, sur le Coran et la Sunna, pas sur un parti, pas sur une couleur, pas sur une origine. الاجتماع على الحق إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا تنازعوا فتفشلوا. أما se diviser en partie, en groupe, ça fait que nous affaiblir. لكن الاعتصام على الحق قرآن والسنة على فهم سلف الأمة. Et celui qui rejette ça, on ne peut pas se rassembler avec lui. Et cette faiblesse et cette division, c'est lui le responsable et c'est lui la cause. كذلك من محاسن هذا الدين التعاون على الخير. On s'entraide. On s'entraide avec nos frères musulmans. On s'entraide على الحق كذلك. On s'entraide pas sur les passions. La fin justifie les moyens. نعوذ بالله. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل في التعاون مع المديون. On donne un exemple d'entraide avec ceux qui ont des dettes. قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَ. Si il est en difficulté, si il a une dette envers toi et il est en difficulté, فَمِنَ الْإِحْسَانِ, et ça montre les bienfaits de notre dîme, c'est que tu prolonges, tu lui laisses le temps. بَلْ فِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ يُدَايِنَ النَّاسِ أو نعم يداين الناس كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه. Il y avait un homme, c'est un commerçant, et il prêtait de l'argent. Et il disait à ses proches, si un tel est en difficulté, فتجاوزوا عنه. Aïe, effacez sa dette. Pourquoi? Et ça montre l'importance de niya. لعل الله يتجاوز عنه. Peut-être que si on efface ses dettes et on a cette miséricorde envers lui, malgré qu'il ait une dette envers nous, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera. قال عليه الصلاة والسلام فتجاوز الله عنه. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a facilité aux autres. C'est ça notre dîn. C'est ça notre dîn. Et notre dîn, il est fondé sur ces points importants. فحذر أخي الكريم من تشويش أعداء الله. Fais attention, al-kuffar, ils veulent pas ton bien. Fais attention de pas prendre ton dîn des médias. Tu prends pas ton dîn des gens de la rue, des ignorants. Ils parlent nuit et jour, ils ont fait ça, ça c'est pas bien. Reviens aux sources. Et tu comprendras très vite que tout ce qui se passe, que ça soit les rébellions, les attentats, tout ça, ça a rien à voir avec notre dîn. Ben, notre dîn est mis en garde. Et tu t'apercevras très vite que les koufars, ils appuient beaucoup de ces choses que tu prétends que c'est les musulmans qui font ou qu'ils approuvent. Fahmadillah, ala hadhihi an-ni'ma al-'azima, fais des efforts dans ton dîn, apprends ton dîn, fréquente les gens qui donnent de l'importance à ce dîn, wa la taghtar bi zakharif hadhihi ad-dunya. Et ne te fais pas avoir par les plaisirs, par la fitna de cette dunya. فالآخرة خير وأبقى. إن شاء الله dans la risala qu'on va lire, on va détailler, ou Cheikh Saadi va citer plusieurs points pour montrer les bienfaits de notre dîn, des points qu'on a cités ou autres. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.